together. Truly. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you. For always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. Truly, don't you think you know the answer? Oh no, well the whole world's got to death. That's right, I'm telling. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Lionel Richie, Say You, Say Me sur RGM, 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 20 juin 1931, naissance d'Olympia Dukakis, actrice américaine, vue dans Éclair de lune dans le rôle de Rose Castorini, dans Allô Maman, Ici Bébé, Allô Maman, C'est Encore Moi et Allô Maman, C'est Noël dans le rôle de Rosie. 1933, naissance de Danny Aiello, acteur américain, vu dans Le Parrain 2 dans le rôle de Tony Rossato, Éclair de lune, Man on Fire, Léon dans le rôle de Tony ou encore Prêt-à-porter. 1941, naissance de Stephen Frears, réalisateur britannique à qui l'on doit Les Liaisons Dangereuses, récompensé par le César du meilleur film étranger. 1947, naissance de Candy Clark, actrice américaine, connue pour son rôle de Debbie Dunham dans American Graffiti, récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, qu'elle a d'ailleurs repris dans American Graffiti la suite, et vue dans quelques épisodes de la série Esprit Criminel dans le rôle de la mère de Gigi. 1949, naissance de Lionel Richie, chanteur américain. 1952, naissance de John Goodman, acteur américain, vu dans Un flic aux trousses, Always, Pour toujours, La famille Pierre à feu dans le rôle de Fred Pierre à feu, Blues Brothers 2000, Oh Brother dans le rôle de Big Dan Tig, Evan Tout-Puissant, The Artist dans le rôle d'Alzheimer, Argo de Ben Affleck dans le rôle de John Chambers, Very Bad Trip 3 dans le rôle de Marshall, Money Man's Man de George Clooney dans le rôle du capitaine Walter Garfield, dans la série Roseanne dans le rôle de Dan Connor ou encore à la Maison Blanche. 1960, naissance de John Taylor, musicien britannique du groupe Duran Duran. 1964, naissance d'Éric Lartigau, réalisateur français à qui l'on doit Mais qui a tué Pamela Rose, Un ticket pour l'espace, Prête-moi ta main ou encore La famille Bélier. 1967, naissance de Nicole Kidman, actrice australienne, vue dans Prête à tout dans le rôle de Susan Stone Maretto, récompensée par un Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, vue également dans Batman Forever, Moulin Rouge dans le rôle de Satine, récompensé par un Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, les autres The Hours dans le rôle de Virginia Woolf, récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, vue également dans le film Ma sorcière bien-aimée dans le rôle de Samantha, Australia dans le rôle de Lady Sarah Ashley, Nine, Grace de Monaco dans le rôle de Grace Kelly, Paddington, Les Proies et elle sera à l'affiche cette année du film Aquaman dans le rôle d'Atlana. 1968, naissance de Tonya Kissinger, actrice américaine connue pour son rôle de Cathy dans la série télé Extrême Limite, celui de Jessica Lori dans Sous le Soleil, vu également dans Amour, Gloire et Beauté, Camping Paradis, et elle a participé à la saison 5 de Danse avec les Stars. C'est également l'année de naissance de Robert Rodriguez, réalisateur américain à qui l'on doit Desperado 1 et 2, Une nuit en enfer, Spy Kids 1, 2, 3, Spy Kids All the Time in the World, Sin City, J'ai tué pour elle, ou encore Machete et Machete Kills. 1971, naissance de Josh Lucas, acteur américain, vu dans Un homme d'exception dans le rôle d'Hansen, Fashion Victim dans le rôle de Jake Perry, Poséidon, Bébé mode d'emploi, J. Edgar de Clint Eastwood, ou encore plus récemment dans La Défense Lincoln. 1978, naissance de Frank Lampard, ancien footballeur anglais qui a fait carrière de 1995 à 2016 en jouant à West Ham, Chelsea, Manchester City et New York City. 1979, naissance de Ben, humoriste français, découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire. 1982, naissance d'Example, rappeur britannique dont on écoute tout de suite un extrait de son titre Won't Go Quickly. The kiss goodnight. Had to go get something out my system. I ignored the warnings, bit the fruit. She might have tasted good, but man, she was my kryptonite. Should have known she was trouble from the start. I knew she'd broken hearts. I thought I'd take that chance. Danced with the she-devil in the pale moonlight. Alarm bells rang, but I love the drama. In the dark place, but I love the karma. Sutra, should have closed that door, but I kept going back for more. She's electric, she's the color running through my veins. Voilà pour l'extrait d'Example. On continue les anniversaires. 1984, naissance d'Amir, chanteur franco-israélien, découvert hein, dans la saison de The Voice, qui a participé avec succès hein, à l'Eurovision, hein, puisqu'on a obtenu le meilleur classement depuis, oula, beaucoup d'années. Et on continue. 1989, naissance de Javier Pastore, footballeur argentin, qui de 2006 à 2007 a joué au CA Talleres, de 2007 à 2009 au CA Huracán, de 2009 à 2011 à Palerme, et depuis 2011 il joue au Paris Saint-Germain. En 1870, décédé Jules de Goncourt, écrivain français fondateur de l'Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. En 2011, décédé Ryan Dunne, acteur américain qui était membre de Jackass, et en 2013, décédé Jean-Louis Scherrer, créateur de mode de haute couture français. Allez, avant d'écouter les Duran Duran, on fait un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. Alors on commence avec une comédie, Le Doudou, de Philippe Machelen et Julien Hervé, avec Kadmerad, Malik Bentala ou encore Guy Marchand. Un film qui fait peur, thriller, épouvante d'horreur, ça s'intitule Sans un bruit, de John Krasinski avec Emily Blunt, John Krasinski et Millicent Simons. Autre film, c'est une comédie, ça s'intitule Bécassine, de Bruno Podalides avec Emeline Bayard, Karine Viard et Denis Podalides. Et enfin, dernier film, Une prière avant l'aube, action thriller de Jean-Stéphane Sauvert avec Joe Cole, Vitaya Pasingarm et Pania Yomamfei. Voilà pour les sorties cinéma. On marque tout de suite donc une petite pause avec les Duran Duran et leur titre The Reflex. Et voilà, c'était les Duran Duran sur le 107 FM, un peu plus de 8h48, on parle météo. La météo. Très belle journée ensoleillée aujourd'hui, des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, du soleil, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés l'après-midi. Vendredi, du soleil également, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et pour commencer cette actualité sportive, on va parler tennis avec le tournoi de Halle et l'élimination de Richard Gasquet en 2-7 face à Maier, 6-2-6-2. L'élimination de Lucas Pouille en 2-7 face à Tsitsipas, 6-2-7-6, seul rescapé hier. Eh bien, c'est Benoît Paire qui s'est imposé en 2-7 face à Johnson, 7-5-7-6. Pas de Français sur les cours aujourd'hui dans le tournoi du Queens. Alors, carton plein pour les Français hier. Benedetto s'est qualifié en 3-7 face à Berdych, 7-5-3-6-6-3. Manarino s'est qualifié en 3-7 face à Evans, 6-4-0-6-7-6. Et Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7-6-2-6-4 face à Schmijek. A noter l'élimination d'entrée d'Andy Murray qui faisait son retour à la compétition. Au programme d'aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Medvedev. Au tournoi de Birmingham, l'élimination d'Océane Donna en 2-7 face à Barty, 6-4-6-3. En revanche, qualification d'Alizé Cornet en 3-7 face à Makarova, 5-7, 6-4, 6-1. Aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Svitolina et Mladenovic sera opposé à Rybarikova. Et au tournoi de Majorque, Caroline Garcia s'est qualifiée en 3-7 face à Sier, 7-6-1-6-6-4. Elle affrontera aujourd'hui Larsen. Allez, on s'envole tout de suite pour la Russie. Et hier, dans cette Coupe du Monde, le Japon s'est imposé 2-1 face à la Colombie. Le Sénégal s'est imposé 2-1 face à la Pologne. Et enfin, la Russie s'est imposée 3-1 face à l'Égypte. Au programme d'aujourd'hui, à 14h, le Portugal affrontera le Maroc. À 17h, l'Uruguay sera opposé à l'Arabie Saoudite. Et à 20h, il y aura Iran Espagne. Et pour l'équipe de France qui joue demain contre le Pérou, on a une petite idée de la composition de cette équipe de France qui devrait évoluer en 4-2-3-1 avec les retours de Blaise Matuidi et d'Olivier Giroud en remplacement respectif de Tolisso et de Dembélé. Rendez-vous demain pour connaître exactement la composition. Je vous rappelle que le match aura lieu à 17h. Demain, heure française pour ce France-Pérou. Et ben c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Amir et son titre « On dirait ». On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur et ton On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait Amir sur RGM, pile 8h55, c'est déjà l'heure, de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point comme tous les jours sur ce qui vous attend. Aujourd'hui, alors en ce mercredi 20 juin à 9h, ce sera Regarde ailleurs. 10h, vous retrouverez les ados avec l'IME de Saint-Amé. À 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou, hein, on refait la Coupe du Monde. 14h, Prix Ado Médiathèque. 15h, rediffusion de l'émission Les Oreilles du Monde. 18h, l'heure des loups avec Lou consacrée au tatou chaud. À 20h, rediffusion d'Action Slam. 21h, la rediffusion de Vincent, il me semble. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.